Vous écoutez La Première, voici tout de suite Histoire vivante. Passez un très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le point de départ, c'est pourquoi la Suisse, à un moment donné, juge bon de se doter en quelque sorte d'une marine. Ouais, c'était sévère, le bateau et qu'on en a appris. On a appris à courir. Il nous a couru jusqu'à Bâle et puis retour. Hein. Jusqu'à Kleinwüdingen, hein, où il y a le port, c'est loin. Et ces bateaux s'appellent l'Aiger, le Chasseral, le Saint-Gothard et le Sentis. C'est quatre montagnes. Alors là, c'est vraiment l'affirmation d'identité suisse. On va sur l'eau, mais on prend nos montagnes avec. Aujourd'hui, la flotte marchande suisse est la deuxième flotte marchande du monde des pays enclavés. Histoire vivante, aujourd'hui, entretien avec Caroline Cueno, réalisatrice du documentaire « L'île sans rivage », à voir dimanche soir sur RTS2. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Caroline Cueno, je suis d'origine suisse et danoise, j'ai 38 ans et j'ai toujours voulu faire des films documentaires. Alors attendez, parce que cette formule-là, elle a le mérite d'être compréhensible par tout le monde, mais toujours, il doit bien y avoir un premier jour, est-ce toujours? Eh bien, j'ai pas eu une enfance entourée de cinéma et de télévision, il y en avait assez peu, mais on m'a rappelé que déjà à l'âge de 12-13 ans, je disais que j'avais envie de faire des films documentaires. Et aussi loin remonte votre mémoire, c'est quelque chose que vous avez entrevu quelque part, un documentaire diffusé peut-être à l'école ou quelque chose, ou à la télévision? C'est mystère. C'est le mystère? C'est le mystère. Ah, c'est merveilleux ça. Et ça a le goût de quoi, cette idée-là de faire du documentaire? Ça a le goût de, le vrai goût de la réalité, que je trouve absolument fantastique et qui dépasse la fiction. Qui dépasse la fiction? Complètement. Alors que... Il suffit de la regarder. Ouais. J'ai plutôt tendance à penser de plus en plus le contraire. Que la fiction dépasse la réalité? Que la fiction va désormais plus loin que ce que le documentaire, avec les exigences que l'on lui formule au niveau des décideurs, a tendance à se lyophiliser quelque peu, là où on laisse de plus en plus libre cours à l'imaginaire des créateurs. Alors oui, là c'est certain qu'au niveau des moyens de production, du système de production... Et voilà, je marque voilà, un point, là c'est 1-0. Non, c'est clair que le système de production, il fait que le documentaire est très formaté. On doit l'écrire avant de filmer, et ça c'est un système qui... Et tout le monde s'en plaint. Et tout le monde s'en plaint. Enfin, je veux dire, les oui, mais s'en plaindre, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire le film avant de l'écrire. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Oui, mais pardonnez-moi, je ne m'y connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que pour faire un film, il faut avoir 20, 22 centimes, 23 centimes de côté quand même. Ou bien il faut s'entourer des bonnes personnes qui ont confiance et qui acceptent de se faire rémunérer plus tard. Se jeter à l'eau, donc. Voilà. Oui. C'est ce que vous avez fait? Oui. J'étais entourée de deux hommes formidables, Gabriel Lobos à l'image et Jörg Lempen au son. On avait déjà eu l'occasion de travailler sur mon film de master ensemble. Et quand je leur ai dit, bon ben, il n'y a pas le budget pour commencer en pouvant vous garantir un salaire, est-ce que vous venez quand même? Ben oui, bien sûr. Mais n'y a-t-il pas une forme de... Vous me direz, on fait avec tous les moyens du bord, mais est-ce que c'est pas une forme, pardon pour l'anglicisme, de discount de la profession? C'est-à-dire que quelque chose n'est pas reconnu, donc faut avancer avec ses propres moyens. Vous me direz, si vous étiez né dans un pays où le documentaire n'avait pas libre cours et que vous ayez vous-même la même envie de faire du documentaire, vous vous confronteriez film après film à la même problématique. Donc vous vous entoureriez, on est au conditionnel évidemment, des amis les plus fidèles, techniquement les plus solides, et puis en avant l'aventure. Je tournerais la chose autrement. Si on commence à filmer sans avoir écrit, on se laisse ouvert à la réalité et à ce qu'elle peut donner. Et on peut aller beaucoup plus loin que Si on avait écrit tout le film à l'avance, qu'on avait mis toutes ces théories sur le papier en disant ce que nous allons aller voir dans cette situation, c'est ça. Et avec... finalement, on programme la réalité et on ne voit que ce qu'on avait écrit au préalable. Mais avec le risque de vous frotter une fois encore, d'ailleurs on aura l'occasion d'en parler par rapport à votre documentaire, Caroline Queneau, à quelque chose qui s'appelle la norme. Si le documentaire est normé, aujourd'hui on va s'apercevoir également que la navigation est tristement normée, cela pose un problème, on pourra mettre en doute votre écriture ou cette façon peut-être plus libre de narrer un propos. Mais qu'on la mette en doute si elle peut faire réfléchir, je suis tout à fait d'accord. Un vieil homme parle de ses premiers voyages en mer sur les cargos marchands pendant la guerre, alors qu'un jeune officier embarque sur un bateau suisse flambant neuf au Vietnam. Voilà, résumé, le propos de votre documentaire, dont vous allez nous indiquer à l'instant le titre, Caroline Queneau. L'île sans rivage. Des bateaux suisses en mer. Tudieu, est-ce donc possible ? Eh bien, il y en a. Il y en a même beaucoup, même s'il y en a de moins en moins depuis quelques années. Comment vous découvrez cette histoire ? Longue histoire. Je commence par faire des recherches sur la société maritime du patron de la Migros, Dudweiler. Et je commence pour ça par aller aux archives fédérales, à Berne, avec le journaliste Pietro Boschetti. Vous avez bien un moment ou un autre, vous êtes tombé sur quelque chose, je ne sais quoi, un article qui vous a mis en éveil, vous n'allez pas directement... Absolument, absolument, il y a plusieurs choses dans mes tiroirs. Ça, c'est un numéro fantastique de l'Hebdo, un numéro qui date de 1999, où Jocelyn Rochat et... Pierre Abramovici avait découvert cette affaire incroyable, totalement insolite, où le patron de la Migros s'était rendu à Monaco pendant la Deuxième Guerre mondiale pour rencontrer le prince Louis II et discuter d'annexer la principauté. Dudweiler raconte comme quoi, à un moment donné, il est en contact avec le prince régnant de Monaco et qu'avec lui... Alors au départ, peut-être un peu sur le ton de la plaisanterie, comme il le dit dans le texte, ils évoquent avec ce prince la possibilité de faire de Monaco un canton suisse. Et il dit, tiens, bizarre. Et il continue, mais plus sérieusement, en réalité, on s'est mis à parler de la possibilité, en fait, de créer à Monaco un port franc suisse. Et là, il dit qu'effectivement, il discute très sérieusement avec le prince de ce genre de choses, et ça a l'air de l'intéresser. Et juste en substance, donc, un port franc, ça veut dire la possibilité pour la Suisse, en quelque sorte, d'acheter un bout du port de Monaco, d'en faire, en somme, un petit bout de Suisse sur le port de Monaco, vu que le gouvernement de Monaco, à ce moment-là, est d'accord d'accorder un statut d'extraterritorialité à ce port franc jusqu'à 30 ans, jusqu'à une durée de 30 ans, ce qui est quand même assez étonnant. Quelle histoire, hein. C'est improbable, mais c'est typique de ces idées suisses. Ce sont les grandes idées pour un tout petit pays. C'est là où il y a quelque chose un peu de l'humour de Plonk et Replonk, ouais, que je voulais faire ressortir dans ce film. C'est alors donc, vous avez cette archive en tête, et puis vous dites, c'est peut-être à creuser. Alors comment vous y prenez ? Moi, j'en parle à Pietro, qui avait entendu parler effectivement de cette histoire. Et on se rend aux archives à Berne. Et puis je creuse de mon côté pour trouver toutes les images possibles de ces deux bateaux de Dudweiler. En me disant, voilà, pour un documentaire historique, ben, il faut des images, donc il faut des archives. Et pour trouver ces archives, je tombe sur Daniel Trösch, un collectionneur passionné de tout ce qui a trait à la marine marchande suisse. Et puis, je me dis, tiens, quel étrange personnage, il m'intrigue énormément, beaucoup plus que juste les quelques images qu'il a des bateaux de Dudweiler. En quoi vous intriguez-t-il ? Déjà parce qu'il a une voix de ténor incroyable. Ensuite, peut-être parce qu'il était très difficile à approcher et à convaincre. Il disait plutôt non. Il disait plutôt non, puis il le disait en suisse allemand bernois, donc c'était assez difficile. C'est un nom assez catégorique, donc. Voilà. Plus catégorique qu'un nom roman. C'est là que j'ai compris que ce milieu des marins suisses est un milieu en tout cas très discret et peut-être très fermé. Donc forcément, ça m'attire. Ouais. Qu'est-ce que c'est, si vous l'avez un peu creusé, qu'y a-t-il derrière cette dimension revêche ? Ils sont mal compris. Ils sont parfois même mal vus. Comme c'est des aventuriers qui vont, en tout cas pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est des aventuriers qui vont se la couler douce sur des bateaux à la recherche d'aventures. Ah, c'est ça qui plane sur... Ils ont été vus comme ça. Ouais. Alors, bon, et puis je continue dans mes rencontres. Et je vois que bon nombre d'images des bateaux de Duttweiler, le patron de la Migros, étaient prises par un dénommé Jacques Voirol, marin lui aussi, mais pour une autre compagnie. Et forcément, dans les ports, il se photographiait parmi les bateaux suisses. Alors, je le rencontre. Et là, le projet change complètement. Le premier film, qui était un film historique, qui se concentrait uniquement sur la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce premier film, je l'arrête. Et puis, je décide d'en faire un autre sur la Suisse aujourd'hui, la Suisse et la mer, qui, lui, était nourri de toutes ces rencontres et recherches pour le premier film. Caroline Queneau, en ouvrant un tel dossier, alors véritablement dans l'angle mort d'une grande partie de la connaissance culturelle du Suisse moyen, on peut absolument dire que parler de cette histoire-là, la marine marchande en Suisse, ça a vraiment pas de soi. Non, j'étais la première étonnée de ce que je découvrais. Alors, que découvrez-vous d'ailleurs en chemin? Parce que moi, je me suis dit, il est clair au moins que même pour le plus nul en géographie, il reconnaîtra ou admettra ou sera même capable de répondre que l'accès à la mer, c'est pas le point fort du pays. On est d'accord. On est d'accord. Mais avoir un droit à la mer, c'est ce que va demander la Suisse, c'est ce que va demander la Confédération. Ça exige évidemment des connaissances en matière de pilotage et des choses comme ça, mais c'est des quantités de problèmes, dont notamment l'un des tout premiers, qui est la question de la connaissance du droit juridique. Alors, le droit de la mer est l'un des droits les plus anciens qui ait été constitué sur la surface de la planète. C'est ce qu'on appelle le droit coutumier, au départ. Comment la Suisse a l'intention de rattraper son retard, elle qui n'a jamais, avant cette envie-là, eu une quelconque affaire avec les côtes, la mer, que sais-je? Comment elle s'y prend? Quelles sont ses intentions d'ailleurs à la Suisse, à la Confédération? Alors la Confédération, elle avait pensé déjà pendant la Première Guerre mondiale. Parce qu'on sait... Mais on est dans du contemporain. Oui. Mais on regarde l'histoire de la marine en général. Alors après, je crois savoir que certains marins suisses ont marqué l'histoire de la marine sur les bateaux à voile, dans des autres époques. Au loin, autres époques et autres contrées, donc. Oui. Ouais. Mais ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas tant que la Suisse a envie de voir un pavillon maritime suisse. C'est que les autres pays lui disent « Eh cocotte, si tu veux continuer à traverser l'Atlantique avec des vivres pour ton pays, il suffit pas d'aller écrire Switzerland sur des navires grecs. On aimerait que tu aies tes propres bateaux à toi, comme ça on a la garantie que ce sont des navires neutres. Et là, on sera d'accord de les laisser passer par le détroit de Gibraltar et qu'ils accostent à Marseille ou à Gênes. » Donc c'est une demande des belligérants face à la Suisse pour dire, vous devez vous doter de votre propre pavillon maritime. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant, la Suisse avait justement un contrat avec des armateurs grecs. Et elle pensait qu'en écrivant « Switzerland » sur les navires, ça suffirait. Sauf que pour les Anglais, ça ne signifie rien du tout. Il n'y a aucune garantie comme quoi l'entier de la cargaison est dédié à la Suisse. Et puis à partir de 1941, la Grèce n'est plus neutre. Et donc, il ne passe plus en Méditerranée. Mais cette contrainte-là, imposée par l'extérieur, par les belligérants, la Suisse finit-elle, la Confédération, on va dire, finit-elle par y voir, au fond, une opportunité? Oui, je crois. Absolument. Il faut voir la rapidité avec laquelle ils ont fait ce décret pour obtenir le pavillon maritime. D'où l'ambiguïté qui peut flotter historiquement. Voilà, mais c'est en 6 semaines, c'est écrit, et c'est écrit par un seul juriste balois, Haas, Robert Haas, qui arrive à écrire, c'est un livret d'une 250 pages, qui décrit tout le droit maritime suisse. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de ça? Le premier objectif, si on comprend bien, c'est la question du ravitaillement. Oui. Donc ça, c'est la préoccupation principale pendant la guerre. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un pavillon maritime suisse, encore faut-il avoir des bateaux. Oui, ça, j'y avais pas pensé, c'est vrai. Maintenant que vous me le dites, ça me frappe d'évidence. Alors, la Confédération décide d'acheter des navires, envoie des messages aux consuls de par le monde, parce que non seulement ils doivent dire maintenant la Suisse est une nation maritime, mais ils doivent aussi trouver et acquérir des navires. Et là, il existe, comme le dit Pietro, plus que des vieux rafiaux sur le marché. Donc, il faut les acheter, les retaper, les remettre en état. Cette flotte est au nombre de combien? sur la première page du registre, on a 6 navires, je crois, 2 qui appartiennent à la Confédération. Très vite, il y en a 2 qui appartiennent à cette société de la Migros. La Suisse Atlantique avait déjà un navire auparavant qui battait pavillon panaméen, donc elle l'a simplement mis sous le pavillon suisse. Et puis après, il y a des sociétés baloises qui se sont mises là-dedans. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Caroline Cueno, réalisatrice du documentaire « L'île sans rivage ». La question que je me pose, Caroline Cueno, que vous vous êtes peut-être également posée, c'est la question des compétences. Parce qu'on a des bateaux qui sont en piteux état, faut remettre rapidement à flot. Tout ça veut dire tout un tas de compétences à tous les étages, aussi bien dans les soutes qu'après, évidemment, plus tard. Après, disons, restauration ou réparation sur le pont. Alors, oui. Ces compétences-là... Mais tout est fait dans l'urgence. Tout est fait dans l'urgence, c'est ça. Un peu bricolé, c'est-à-dire que... Au Portugal, on trouve un instructeur qui parle un tout petit peu le français, qui lui peut enseigner le savoir, qui peut instruire la formation de capitaine aux candidats suisses, qui eux, parfois sont suisses allemands, ne comprennent rien, apprennent le portugais sur le tas, enfin, tout est fait dans une extrême urgence. Puis après la guerre, tout s'arrête. Parce qu'ils avaient dit que c'est une mesure d'urgence qui n'a lieu qu'en temps de crise. Mais également, j'allais dire, les petites annonces, c'est-à-dire qu'on va trouver dans le matin, dans que sais-je, cherche marin... Voilà, c'est comme ça que... Pontons à faire, venez nombreux. C'est comme ça que Jacques Voirol, justement, dit « Ah bah tiens, en voilà une super idée, je vais aller m'instruire comme marin à Bâle », parce qu'il avait vu une annonce dans l'Illustré. Il y avait dans l'Illustré, Schweizerische Illustrierte, 3 pages... sur le port de Bâle qui engageait maintenant des jeunes gens sur le Rhin et puis ils ont engagé 12 jeunes à la fois et puis ça tous les 3 mois. Puis ils disent ça c'est ce que je veux faire. Alors on est parti à Bâle se présenter puis je leur ai donné une bonne impression. En tout cas, ils m'ont pris sans examen. Ouais, c'était sévère le bateau école. On a appris. On a appris à courir et puis ils nous ont couru jusqu'à Bâle puis retour. Hein. Jusqu'à Kleinwüningen, où il y a le port, c'est loin. Du coup, alors, il se présente. J'imagine que la sélection ne doit pas être par trop drastique, non, vu le besoin et vu l'urgence. Et puis, il était grand, c'était un des seuls romans, donc c'est plus facile de suivre des cours en portugais quand on est francophone. Et puis, il a été pris très vite. Concernant les archives, Caroline Cueno, pour ce documentaire dont nous venons d'entendre un extrait, votre documentaire... L'île sans rivage, à voir dimanche soir sur RTS2, vous êtes allé chercher de l'archive. La surprise fut-elle abondante ? Parce que, d'une part, vous découvriez un thème dont vous ne soupçonniez pas forcément la densité, la dimension. Est-ce que, à l'instar, les archives étaient également, les archives, j'entends, filmées, étaient également nombreuses ? Il semble que oui. Oui. Étonnamment nombreuses. Je pense que c'était presque un sujet propice à la propagande en temps de guerre que d'aller envoyer des réalisateurs et des caméramans filmer des bateaux suisses. C'est le drapeau national qui part sur les mers et qui sauve le pays pour les questions de ravitaillement. Donc c'était un message qu'il fallait diffuser absolument. Alors vous allez nous sortir un argument de derrière les fagots pour que les auditeurs qui sont en train d'entendre votre voix et votre récit se précipitent devant leurs écrans dimanche. Une histoire, une anecdote, quelque chose, vous vous dites ça franchement, je vous recommande vivement de le découvrir parce que c'est quand même pas mal. Parce qu'il y en a plein. Il y en a des. Cette histoire-là, je le dis déjà pour vous, comme ça, ça vous évite de le dire. Elle est truffée de magnifiques anecdotes. Mais citons-en une, ne serait-ce que pour donner le goût et l'envie. Bon, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était d'entrer dans cette autre dimension de l'approvisionnement du pays. et de comprendre qu'il fallait 48 wagons pour assurer la farine pour un demi-jour en Suisse. J'ai toujours eu l'amour des wagons marchandises, des containers, des grues, des ports. J'ai toujours aimé... Là, vous étiez servi. Alors, j'ai eu tout ce que je voulais. Et j'ai toujours été fascinée par ces trains nocturnes et puis leur bruit, parce que c'est des wagons extrêmement lourds. Donc, on est vraiment dans ce ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta, quand ils passent à toute vitesse. Et puis, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et quand j'ai compris le nombre de wagons qu'il fallait pour une si petite quantité, c'est-à-dire juste la farine pour un demi-jour, pour un petit pays comme la Suisse, j'ai compris qu'on ne réalise pas dans quelle dimension on vit. Cette petite incursion que vous avez faite, onomatopiquement, me fait penser qu'il y a dans votre documentaire, L'île sans rivage, Caroline Queneau, une bande-son fabriquée notamment à partir des sons du réel également. Je pense que ça, c'est assez fidèle à votre propos, l'intérêt au réel. Là aussi, on le retrouve dans la bande-son. Il y a la musique originale d'un côté, mais il y a aussi un travail sur le matériau sonore. Et puis on peut, évidemment, Dieu sait imaginer que aussi bien dans les bateaux qu'ailleurs, ce matériau sonore est important et varié. Alors, racontez-moi un peu ça. Oui, c'est le talent incroyable de Eleonora Polato, qui travaille comme monteuse son dans les studios Mazé, mais qui travaille aussi comme artiste. Et quand elle fait des concerts, elle utilise énormément de sons qu'elle a été enregistrés dans le réel. Donc, quand on lui a fait entendre le bruit de la cale, des portes de la cale qui se referment, une cale de 30 mètres de haut, de large, de profond. Elle s'est frottée les mains, là. Et qui se referme avec un écho qui dure à peu près 25 secondes, elle était aux anges. Et là, elle a réussi à retravailler avec tous ces sons du tournage et à recréer des rythmiques pour qu'il y ait une bande-son qui aille avec le propos, parce que c'est un univers extrêmement bruyant. Vous avez assisté à une de ces journées de travail à partir de votre matériau sonore? Elle m'a fait écouter, on a travaillé en étroite collaboration. Après, j'aime bien la laisser travailler dans son coin, je crois. Oui, mais la curiosité, je veux dire. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis alors, en complément à ça, il y a le travail de Nicolas Rabahus sur la musique. Et ça, c'était un grand problème aussi, c'est que j'avais envie de faire un documentaire sans commentaire. Et il fallait pourtant que... Il y a des comédiens qui vous détestent, là, hein, vous avez bien conscience. Ceux qui lisent les commentaires. Et bien sûr. Mais ils peuvent venir travailler à l'image. Oui. Non, alors là, l'idée, c'était de faire un documentaire sans commentaire. Et puis, il fallait trouver une solution pour quand même suggérer l'ironie de certaines situations. L'ironie à nouveau des grandes idées de ce petit pays. Et là, il fallait la musique de Nicolas, justement, qui pouvait travailler sur des petites mélodies qui pouvaient... élever un peu ou donner un peu de distance par rapport à des propos extrêmement sérieux. Vous faites référence à quelque chose que les gens n'ont pas encore à leur connaissance, qu'ils n'ont pas encore vu dans votre documentaire, mais il est vrai que certains chapitres sont tapissés d'utopies absolument incroyables, que raconte notamment Pietro Boschetti dans une ou deux séquences qui sont absolument confondantes quant à l'imagination de ce pays. Les projets les plus dingues sont imaginés, mais on va en dire plus, évidemment, faut que les gens aillent voir. Hein. Est-ce que cette dimension un peu... Oui, enfin, utopique, le mot est faible, mais j'en vois pas d'autres là comme ça immédiatement, vous a surpris? Non, on a bien creusé un tunnel à travers le Saint-Gothard. Oui. Les idées ne sont pas plus ou moins farfelues que ça. Je veux dire, la Suisse est un pays d'ingénieurs. On a toujours eu des idées folles. Un barrage, c'est une idée insensée. Un tunnel aussi. À ceci près que le projet qu'a à ce moment-là la Suisse, ils ne peuvent pas véritablement être considérés comme s'inspirant d'autres projets existants ailleurs. Vous dites barrage, vous dites tunnel. Oui, bon, d'accord, mais d'autres pays ont des barrages et des tunnels. Sauf que là, la Suisse, elle a des projets. Une fois encore, on ne vous en dit pas plus parce que vous les découvrirez dimanche soir. sur votre poste, sur votre écran. Mais franchement, là, c'est des projets relativement inimaginables. Je ne pense pas qu'un pays, un autre pays, peut-être le Luxembourg, est-ce que le Luxembourg a... Est-ce qu'il est question du Luxembourg dans le documentaire ? Également enclavé, mais qui fait une sacrée concurrence à la Suisse sur... sur ce domaine-là, est-ce que vous savez si le Luxembourg aussi a inventé des choses tout à fait improbables ? Non, je ne crois pas qu'ils aient la même imagination que la Suisse. Non, je crois que c'est vraiment propre à la Suisse. Ouais, c'est tout à fait étonnant. Alors, je me suis noté deux choses avec lesquelles j'aimerais que nous finissions cet entretien, Caroline Queneau. Pour revenir à cette histoire de la norme, il semble que l'appel du grand large, dont chacun pourra admettre qu'il contient une part de romantisme, semble quelque peu tempéré désormais par un concept bien de notre temps, que je résumerai en un mot, la paperasse. Le temps de la norme existe également dans le domaine des mers. Un capitaine vous en donne écho. C'est pas réjouissant quand on veut aller en Argentine à tel endroit avec tel rafio, enfin tel joli bateau, tel bateau très, très solide, on se confronte à une montagne de paperasse. Il parle même de raquettes dans certains ports. Ah oui, de raquettes. Parce que chaque port et chaque pays peut déterminer ses règlements. Et quand un bateau... Donc sa propre norme. Oui, là. Ouais. Et quand un bateau accoste, s'il veut accoster... Eh bien, il faut que ces fruits et légumes soient dans un port emballés dans des boîtes en plastique, dans un autre dans des boîtes en carton, dans un autre dans des boîtes en bois. Et chaque port a sa propre norme. Et le bateau doit s'adapter avant d'arriver au large d'un pays. Il doit avoir, par exemple, toute sa nourriture contenue selon les normes du pays où il va débarquer. Ça laisse sous-entendre qu'il n'y a donc pas du tout de droit international. C'est ce que le capitaine Cerveny essayait, enfin avait envie de faire passer comme message et qui était très important. C'est-à-dire, c'est le lieu du racket et il n'y a pas de normes internationales pour les équipements des bateaux. Comment expliquer ce phénomène ? Vous avez pu un peu enquêter ? Vous avez eu le temps ? Non, ça pourrait être le sujet d'un autre film s'il fallait continuer dans les ports. Bon, je pense que c'est des systèmes un peu mafieux, enfin... Un port, c'est un endroit qui a une autonomie et un pouvoir incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Tanner, Les Hommes du Port, qu'il avait filmé à Gênes. Et on comprend, enfin on voit que tous les hommes du port s'étaient formés en groupe autonome, politiquement, ils étaient en autonomie, comment on dit Oui, ils étaient autogérés. Et ils tenaient tout, ils tenaient toute la ville. Une dernière question, mais on a peu de temps, alors il va falloir faire fi ça. Une monteuse passe à la réalisation. A-t-elle l'intention de bousculer le paysage ? Vient-elle très timidement en disant « Excusez-moi d'exister, mais je vous présente ça au grand maître qui précède et puis aux collègues ?» J'ai pas l'impression d'être passée d'un domaine à l'autre. J'ai l'impression que c'est deux métiers qui sont très différents. Monteuse et réalisateur. J'adore monter pour la télévision. Je n'aimerais pas monter pour le cinéma. Je n'aimerais pas non plus réaliser à la télévision. Et j'aime bien réaliser pour le cinéma. Rappelez donc le titre de votre documentaire, je vous prie. L'île sans rivage. C'est à voir dimanche soir sur RTS2. Merci Caroline Queneau d'être venue au micro d'Histoire vivante. Avec grand plaisir, merci à vous.